Le rat. Comme ça, monsieur, vous ne voulez pas de notre champ. Mais si, j'en veux bien, seulement vous le faites trop cher. Un champ qui est à votre convenance comme pas un, et censément dans votre maison. Non, je ne le fais pas trop cher. 1 000 francs de trop, père Busson. C'est votre dernier mot? Oui. Alors, bonsoir, monsieur, vous ne l'aurez pas. Mon père fit un geste d'impatience et regarda se lever, puis disparaître par la porte de la salle à manger où il l'avait reçu, le vieux et vénérable métayer de la Clopinet. Car c'était la 10e fois peut-être, et sans doute la dernière, qu'il essayait d'acheter cette motte de terre enclavée dans le pré qui touchait la maison. Il y avait à peine 20 ars entre les 4 haies du père Busson. Mais quelle haie! Des retranchements aussi épais, aussi hauts que ceux des fortifications du Moyen-Âge, précédés de fossés sans écoulement, où fleurissaient des plantes aquatiques hérissées d'épines que le bonhomme se gardait bien d'abattre et qu'il émondait le moins possible, en outre dominés sur les 4 côtés par des pommiers tellement serrés qu'ils perdaient leur temps à produire chacun 3 pommes vertes, par des néfliers à demi-morts, 2 genévriers et un peuplier fusant, malade de vieillesse, défoncé par le bec des pics verts et dont la pointe sans feuilles, pareille à une lance sur le ciel bleu, craquait au moindre vent dans sa gaine d'écorce. Nous autres, les petits, nous aimions le chant du père Busson. Il représentait pour nous la forêt vierge. Nous y avions une cabane pour l'affût des merles et généralement de tous les animaux que nous supposions vivre dans les fourrés impénétrables. Nous connaissions, pour y avoir dormi, la douceur de son herbe toujours longue et toujours fraîche. Une fierté d'indépendance, un sentiment de seigneur féodal dans sa tour protégée de herse nous saisissait quand nous pénétrions seuls, à l'abri des regards, par une brèche soigneusement masquée au milieu de ce camp retranché, tout blanc de fleurs d'aubépine au printemps, tout mousseux des fleurs mauves de la ronce jusqu'aux abords de l'automne, et où pépillaient, caquetaient, sciaient ou chantaient, selon l'espèce, tous les oiseaux de demeure ou de passage. Ils étaient de même avis que nous, évidemment, sur le champ du père Busson. Mon père en jugeait autrement. Pour lui, qui avait abattu des talus, réuni et nivelé des champs, élargit le ruisseau en petites rivières, tracé des allées sous les arbres et fait une sorte de parc autour de la maison, c'était un obstacle, le dernier et le plus incommode. Il maudissait tout haut et tout bas ce fourré qui rompait les lignes et masquait les perspectives. Même il assurait que les 2 genévriers, que faisaient-ils là, mon Dieu, dans ce pays de chênes, avaient une influence funeste sur les poiriers d'un verger voisin et donnait la rouille à ces beaux plants qui nous arrivaient par la diligence, taillés, trapus, gonflés de sève, luisants de santé et munis d'une étiquette jaune avec un nom latin. Lors donc que le père Busson sortit de chez nous, nous le suivîmes, mon frère et moi, comme nous faisions souvent pour les coureurs, gens sans aveu et détrousseurs de poulaillers que nous pensions intimider de cette façon. Le plus souvent, il ne s'en doutait pas. Le métayer descendit à travers la prairie et prit une voyette encaissée entre 2 rangs de cépés qui conduisait à sa maison. Il s'en allait, large d'épaules, un peu voûté. Ses cheveux blancs, à demi longs, roulaient à chaque mouvement sur le col droit et relevé de sa veste. Tranquille, maître de son temps comme de sa métairie de la Clopinet, il marchait à lentes et longues enjambées, considérant de ses yeux lasses, mais sans s'arrêter, tantôt ses colzas qui prenaient de l'or à leur pointe, tantôt son avoine de coupage, dont la tranche, taillée à la faucille, était faite de milliers de tuyaux laiteux, comme des orgues poussés de terre, et dont les bêtes entendent la chanson. Quel homme avare, disions-nous à voix basse. Il demande 1 000 francs de trop. Et quel mauvais voisin! Il ne cédera pas, il ne vendra pas son champ. Lui, sans deviner que nous le suivions, il entra dans la cour de sa ferme où 4 bœufs, dételés de la charrue mais encore enjugués, regardait, tête basse, le bouvier qui ouvrait l'étable. Il donna un ordre et jeta sur eux le même regard amoureux, calme et lassé qu'il avait promené sur ses récoltes vertes. Et déjà, il avait disparu. Déjà, les bœufs, délivrés du joug, avaient gagné leur place et frappé de la corne contre les crèches pleines, que nous étions encore là, derrière le talus du chemin, méditant une vengeance qui fût à la hauteur des circonstances. Fallait-il, invisible dans notre cachette, cribler la ferme de projectiles avec nos frondes? Fallait-il enivrer le troupeau d'oies avec du grain trempé dans de l'eau-de-vie et procurer au père Busson la sérénade inattendue d'un poulailler en délire? Nous méditions. La clopinet, tout doucement, commençait ses préparatifs de repos et de sommeil avec la chute du jour. Les moineaux, habitués du paillet de la métairie, piquaient une tête, un par un, sur le dos de la meule énorme et disparaissaient aussitôt sous les brins retombants et noircis par la pluie. Les pigeons, mélancoliques et tout soufflés dans leurs plumes depuis un quart d'heure, sur le pignon, se laissaient tomber dans le pigeonnier pendu au mur. La fumée du souper montait dans l'or du ciel, et au-dessous, le toit d'ardoise que le soleil n'éclairait plus depuis longtemps, le toit descendait presque jusqu'à terre. Large tache dans l'horizon feuillu, rectangle sombre qui protégeait un grenier des anciens âges 10 fois grand comme les chambres, où les aïeux avaient employé sans compter les plus beaux de leurs chênes équarris en charpente pour protéger et garder le meilleur de leurs biens, la moisson de chaque année. Ce toit relevait un peu sa courbe pour coiffer les fenêtres et, sous l'abri des chevrons, apportait de la main d'un homme de moyenne taille une vigne courée, pas très féconde en raisin, mais grosse, noueuse, tordue, couverte de pelure d'écorce comme d'une chevelure, et qui servait de chemin à toutes les bêtes grimpantes pour monter au grenier. Un chat y aiguisait ses griffes. En le contemplant, l'inspiration me vint. « J'ai trouvé l'idée, » dis-je à mon frère. « Quoi donc ?»« Le rat. Nous n'avons que le temps. » Il comprit sans plus d'explication, et nous voici galopant dans le chemin creux vers notre maison. Une heure après, grâce à l'expérience que nous avions en ces sortes de choses, nous installions un piège à rat dans notre propre grenier. Une porte massive tenue en équilibre à un pied du plancher et qui devait tomber dès qu'un rat toucherait à un certain morceau de lard attaché à une ficelle. L'appareil, en effet, tomba pendant la nuit avec un bruit terrible, et, sous nos couvertures, nous l'entendîmes. Je crus même, en imagination, voir la poussière qui s'élevait en 4 nuages, montant sous les poutres et chassant l'armée de rats, de souris, de belettes et de martres dont, selon nous, le grenier était le champ de promenade et de bataille jusqu'au jour. Le lendemain, nous fîmes consciencieusement griller le rat au-dessus d'un feu allumé en plein vent, dans le champ même du père Busson, et nous attendîmes le coucher du soleil. Nous tenions notre vengeance. Elle était sûre. Car pour nous, familiers avec la campagne et pénétrés de ses légendes, c'était un fait non douteux qu'un rat grillé qu'on traîne autour d'une maison attire immédiatement à sa suite tous les autres rats et les conduit, à travers champs, jusqu'à l'endroit où s'arrête la trace. Le soleil, ce jour-là, mit un temps incroyablement long à disparaître. Il descendait dans un ciel très pur. Il n'y avait de nuages qu'une seule bande régulière et menue au-dessus de la clopinet. Nous suivions, avec une attention de frappeur, la décroissance de leur teinte. Ils furent d'abord couleur de feu, puis d'un rouge ardent, puis d'un violet de pourpre, qui s'effaça graduellement en commençant par les sommets. Je me rappelle que ces petits flocons de vapeur éclatant, immobiles, amincis par le bas, élargis en pétales de fleurs et alignés sur les cimes des chênes noirs, ressemblaient aux jonchers de glaïeuls que le jardinier coupait chez nous à la fin de l'été et qui restaient couchés jusqu'au matin sur le terreau des plates-bandes. Je me rappelle aussi que le père Busson, une bêche sur l'épaule, sa fille avec une balle de fourrage vert sur le dos, montait en ce moment l'échine d'un coteau pour rentrer à la ferme et qu'ils avaient l'air, dans le soir, plus grand que nature, et que le chien hurlait comme s'il se fût douté de quelque chose, et que les chats huants, qui sont nombreux dans les vieilles souches, interrompaient de leurs cris, plutôt que de coutume, le roucoulement des ramiers branchés sur nos peupliers. Quand tout se fut assombri et assourdi, nous sortîmes de la forteresse d'épines où nous avions guetté la nuit. Je traînai, au bout d'une chaîne enlevée au chenil, le cadavre du rat grillé. Avec précaution, pour n'être pas découvert, mais riant tout bas, nous fîmes le tour des communs et de la maison. Puis, à travers la prairie, nous atteignîmes le chemin creux de la Clopinet. Il était noir comme une gueule de four. Je me retournai, en marchant, pour voir si les rats de notre grenier ne suivaient pas déjà. Mais, sur l'herbe mouillée et vaguement blanche à cause du clair d'étoiles qui commençait, on ne distinguait qu'une trace brune, sinueuse et mince comme un fil jeté à terre, celle de nos pas. « Ils viendront dans un moment, » dis-je à mon frère. « Nous sommes encore trop près. Ça ne suit pas à moins de 500 mètres. »« N'agite pas la chaîne, » répondit-il. « Ceux de la Clopinet pourraient entendre. Elle fait du bruit. » Un frisson nous prit, car c'était le seul bruit à présent, ce cliquetis des anneaux de fer rouillés les uns contre les autres. Et j'avais beau tirer doucement, le cadavre du rat rebondissait sur la boue durcie du chemin, et la chaîne, à chaque pas secouée, rendait un son de grelot qui s'échappait entre les talus et s'épandait dans la grande nuit. Une chouette s'envola en faisant « Ouh ! Ouh ! » Une pierre roula, détachée du remblai de terre que les souches couvraient d'une ombre épaisse, et nous nous arrêtâmes un instant, croyant entendre le rire d'une bête ou d'un homme qui s'était penché sur nos têtes, nous avait vus et se retirait par le champ d'avoine. Mais quand j'arrivai à l'endroit où, brusquement, le chemin perdait ses arbres et s'ouvrait sur le couchant semé d'étoiles pâles, si pâles qu'on aurait dit les stellaires à moitié blanches et à moitié vertes des fossés ombreux, je ne vis personne, ni dans le champ d'avoine, ni dans le champ de colza. Devant nous, la mare de la Clopinet, où chantaient des grenouilles, la barrière faite d'un chêne entier, puis la cour, la ferme et son toit énorme, luisant comme le pré à cause des poils de mousse tout gonflés de rosée. Une seule fenêtre était vaguement éclairée. Porte close. Le chien se taisait. Nous franchîmes la barrière et, nous glissant, pliés en deux, le long des murs, nous entourâmes la métairie d'un cercle magique. J'eus même soin de promener le rat sur le tronc de la vigne, afin d'indiquer le chemin à l'armée d'envahissement qui allait venir. À pas de loup, nous nous retirâmes alors jusque dans la venelle laissée entre deux meules de foin, et de là, retenant notre respiration, nous épiâmes ce qui devait s'ensuivre. Ô vous qui avez passé des nuits à l'affût, chasseurs qui savez ce qui rôde d'inconnu et ce qui chemine de troublant sous les étoiles, vous comprendrez qu'en des moments pareils, nul n'est bien sûr de ce qu'il a vu ni de ce qu'il a entendu. Le sang bat trop violemment dans les artères, le cœur est trop ému. Je n'avais que 12 ans. J'avais peur. Le vent soufflait avec un parfum de foin et de moisissure par le couloir où nous nous étions réfugiés. Mais je n'oublierai jamais qu'en face de nous, sur le mur pâle, le tronc boursouflé de la vigne se tordait et que, reportant mes yeux vers lui, tout à coup j'aperçus de petits points lumineux, comme les prunelles des rats qui remuaient le long de ce pont aérien. Le corps, je ne pouvais le distinguer. Mais l'éclair trottant de ses yeux de bête, ses points de phosphore en mouvement, je les aurais pu compter sans la frayeur qui nous prit, nous fit fuir entre les murailles de foin et haletant, sans parole, à travers les campagnes qui nous parurent pleines de ces mêmes serpents de feu, nous chassèrent jusqu'à la maison. Nous étions trop profondément impressionnés pour cacher ce que nous venions de faire et ce que nous avions cru voir. « Vous avez eu tort, » dit mon père sérieusement. Dans ce pays-ci, j'ai remarqué que la nuit était rarement sans témoin. Il n'y a pas un braconnier de terre ou d'eau qui échappe aux yeux de ces gens qui se couchent de bonne heure et qu'on suppose endormis. Je crains que vous ne m'attiriez une mauvaise affaire. » Le remords nous vint, mais il était trop tard. Nous ne pouvions pas maintenant recommencer l'opération en sens inverse et ramener à leur lieu de naissance la troupe de rats, de souris et de bêtes puantes que nous avions, charitablement, conduits chez le voisin. nous n'aurions pas osé. Et puis, les ruses qui réussissent une fois avaient-elles une vertu de retour? Nous n'en savions rien. 8 jours se passèrent. Nous remarquâmes seulement que le plancher du grenier, au-dessous duquel nous couchions, n'était plus effleuré, égratigné ou heurté par la sarabande nocturne des rats poussant une noix devant eux. Le 9e jour, un dimanche, avant le dîner, mon père nous fit appeler dans la salle à manger. Nous le trouvâmes causant avec le métayer de la Clopinée, qui était debout et paraissait très animé. Le père Busson, rasé de frais, avec ses 2 petits favoris courts et ses longs cheveux blancs, tournait vers nous sa tête vénérable où clignaient 2 yeux vifs. « Oui, monsieur, dit-il, j'ai vu les 2 enfants promener le rat dans le chemin et autour de chez moi, même que le chien a eu peur à cause de l'odeur, vous comprenez? Car il est brave, parisien, et il n'a pas peur de ceux qui courent la nuit. Il a senti par-dessus la haie et il s'est jeté dans nos jambes. Depuis ce moment-là, on ne peut plus dormir à la Clopinée. Les rats font trop de bruit. » Allons donc, vous ne croyez pas plus que moi que les rats changent de maison parce qu'on a promené un rat grillé à travers le pré. Monsieur, je sais ce que je sais. On ne peut plus dormir et ils m'ont mangé pour bien des écus de froment. En 8 jours, comme je vous le dis, et il faut me payer le dommage. C'est 1000 francs que je vous demande, pas un sou de moins. Nous étions blancs de terreur, et je crois n'avoir jamais senti un regret pareil. Mon père se fâcha. Le métayer tint bon, et finalement, après avoir fait 3 fausses sorties, proposa. C'est justement la différence qui nous empêchait d'être d'accord l'autre jour pour mon champ. L'idée du parc revint à mon père et sauva tout. En 10 minutes, l'affaire fut conclue, le projet de vente écrit en double et signé. Le père Busson s'était radouci. Il avait repris sa bonne figure dodelinante et paterne. Même, il nous faisait des signes à travers la table pour nous dire « Je ne suis plus fâché, mes petits. Vous pourrez revenir à la Clopinée chasser les merles et cueillir des coucous. » Mais nous ne répondions pas à ses avances. La terreur nous tenait toujours. Lorsqu'il eut relu sa pièce et qu'il la sentit plié en 4 dans la poche de sa veste, il trinqua avec mon père, qui avait fait apporter une bouteille de vin selon l'usage. Et, en reposant le verre, il eut un demi-sourire que je n'oublierai pas plus que le ruban d'yeux luisant sur le tronc de la vigne. « Après tout, dit-il, personne n'est sûr des choses de la nuit. Si j'ai tant de rats chez moi, c'est peut-être parce que j'ai laissé mon avoine étalée à même dans mon grenier, et mon froment, et mes pois de semences, et aussi parce que mes 2 chats sont morts. » Il était content, mais pour rien au monde il ne l'eût avoué. « Tâchez de ne pas recommencer de pareilles plaisanteries, nous dit mon père en le voyant s'éloigner. Votre rat m'a coûté 1000 francs. C'est cher. » Le son de sa voix démentait ses paroles, et lui non plus, il n'avait pas l'air fâché. Et à présent tout est mort. Les 4 haies du champ ont été abattues et nivelées. Les arbres brûlés, les ardoises du vieux toit remplacées. Rien n'est plus vivant, si ce n'est la peur de cette nuit silencieuse d'autrefois et de ces flammes menues qui grimpaient sur la vigne et qui, peut-être, n'ont jamais été.